Je veux t'amener à parler du vieillissement. Est-ce que c'est possible que l'être humain peut ralentir en se conscientisant le processus du vieillissement de son corps biologique? Ben oui. Ben oui. Si tu comprends certaines choses, comme par exemple l'effet du stress, puis le côté subjectif de la pensée, ben déjà là, tu peux t'alléger ton quotidien, puis ça va, que tu le veuilles ou pas, ça va faire que l'énergie vitale t'en a plus. Tu sais, si tu le sais que, par exemple aussi, si tu, juste le fait de penser un petit peu moins, on dirait qu'on vieillit moins. Ben oui, parce que de penser, c'est énergivore, puis ça va user, en tout cas, de ce que je comprenais prématurément, la mécanique, là. Ben oui. C'est très, très lié, justement, le fait que l'être humain, il est programmé selon des lois de la mort. C'est pour ça que les gens qui veulent rester à tout prix jeunes, puis que c'est une attitude psychologique, ils vieillissent prématurément. Ça, je l'ai constaté. C'est un peu comme, t'as du monde, par exemple, comme j'en parlais, des gens d'Hollywood qui ils veulent rester jeunes, fait qu'ils se font modifier. Finalement, non, ils n'ont pas l'air vieux, ils ont l'air des morts. Ils n'ont pas l'air vieux, on n'est pas capable de dire l'âge qu'ils ont, mais on dirait un noyé qui a boursouflé au soleil. Ben, il y en a beaucoup qui se font injecter massivement du Botox, c'est le cumul des injections fait que ça donne des visages qui sont très gonflés. Fait que le désir d'immortalité chez l'homme fait vieillir plus vite. Puis ça mène vers la mort. Donc, c'est le paradoxe. Ouais, ben l'être humain, il est géré par ça, par le paradoxe de son intellect. Tout le mental inférieur, tout le parasitage, puis la programmation, c'est basé sur le fait qu'au fond, l'être humain rationalise, mais il est irrationnel. Mais dans sa subjectivité, il s'en rend pas compte. Quelqu'un qui veut être immortel, il va vers la mort. Puis ça a tout le temps été de même. L'être humain, il veut, plus on dirait, plus il veut vivre sa vie, plus il va vers la mort. Puis ça fait partie de la programmation. OK, c'est comme l'être humain que s'il a peur de la mort, il veut fusionner parce qu'il a peur de justement là, de cesser d'exister en tant que conscience. Puis plus qu'il veut fusionner avec un désir subjectif, plus que paradoxalement, ça va l'empêcher de vivre réellement la fusion. Ben oui. Si tu veux immortaliser la conscience de ton ego, ça veut dire que tu veux immortaliser de la pollution. Dans le sens, l'immortalisation de la conscience, pas ça. C'est-à-dire que pour aller réellement vers une immortalisation de la conscience, il faut accepter que tout ce qu'on considère comme le moi, puis tout ce à quoi on s'identifie, ça faut que ça meure. Fait que ça a l'air paradoxal, mais c'est ça pareil. Puis il faut pas que ça soit un désir. Ça peut pas être un désir. Ça fait partie de la programmation. L'être humain, il va être plus qu'à l'image. C'est ça, Lucifer. Dans le sens que plus l'être humain, il est programmé pour s'autodétruire, plus qu'il va aller trop loin. Tu sais, c'est un peu comme si on a. C'est très intelligent là, comme programmation. On a mis les clés dans les serrures. Puis l'être humain cherche les clés partout. Ils sont dans, tu sais, je veux dire, c'est pas si compliqué que ça. Dans le fond, plus qu'on va vouloir au niveau d'un corps de désir subjectif, du mental inférieur, plus qu'on va vouloir tendre vers l'immortalité, plus qu'on va aller vers la mort. C'est donc bien étrange, ça. Pourquoi c'est arrangé de même? Pourquoi l'être humain, plus il veut être éternel, plus qu'il fuck sa santé, plus qu'il détruit son corps? Est-ce qu'elle est pas là la programmation qui est, dans le fond, qui est là pour préserver l'être humain de lui-même? Oui, je comprends. C'est comme une espèce de programmation qui empêcherait l'être humain de se dégénérer à travers un corps de désir hypertrophié qui l'amènerait à vivre trop Ben, longtemps dans une condition avec une conscience évolutive qui carbure au corps de désir. parce que moi, je veux pas vivre sur la planète pendant des siècles. Je baigne trop en. Je serais pas capable. À un moment donné, t'es écœuré. Tu sais, je veux dire, imagine, là, vivre pendant 400-500 ans. Là, c'est une fin de cycle. Tout le collectif, ça se rend l'empire tout le temps. Puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas dans un âge d'or, là, c'est pas l'Éden.